Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Bon après-midi tout le monde, bienvenue dans l'émission spéciale du temps des fêtes en route pour Noël. On est ensemble pour la prochaine heure pour l'émission du style musical, ce qui va faire changement de l'émission qu'on avait en temps habituel le mercredi après-midi ou encore si vous nous écoutez en rediffusion, vous entendiez parfois l'émission en piste avec Tania Baudin. Et bien là, c'est un spécial Noël parce qu'il y a beaucoup moins de courses automobiles dans le temps de décembre. Alors on s'est dit pourquoi pas une émission musicale du temps des fêtes pendant exactement 60 minutes. Et c'est ce qu'on va faire ensemble cet après-midi. Donc, pour les 60 prochaines minutes, on va entendre de la musique de Noël, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est un petit spécial, le style de musique country que j'aime beaucoup. On en avait dans l'émission en piste avec Tania Baudin la semaine dernière, lors de la première du spécial de Noël. Eh bien, on a fait un style qui était peut-être différent. On en avait un petit peu dans tous les styles musicaux, c'est-à-dire qu'on a vu du folk. On a vu aussi des pièces de Noël qui venaient surtout de films. On a vu aussi beaucoup de francophones. Donc aujourd'hui, ce qui se passe pendant les 60 prochaines minutes, eh bien, ça va être beaucoup plus anglophone. Ça va être du style musical, comme je le disais, country. Alors, on va pouvoir entendre, bien évidemment, un petit peu de... vous allez entendre un petit peu de Dolly Parton. Vous allez entendre aussi un petit peu de Lisa Hannington, du Randy Travis. On va avoir aussi peut-être un petit peu d'Alan Jackson. Mais on va commencer tout ça avec Amy Grant et Tennessee Christmas, une pièce que j'ai découverte il y a quelque temps sur un disque spécial Noël que j'avais trouvé, mon Dieu, si je me souviens bien, ça fait quand même quelque temps que j'avais trouvé ce CD-là. Je l'avais trouvé dans une pharmacie et ça regroupait des styles musicaux qui étaient très, très, très différents les uns des autres. Sur le CD, on pouvait entendre de la pop, on pouvait entendre du rock, on pouvait entendre aussi du jazz. Donc, on avait beaucoup d'artistes différents et j'ai beaucoup aimé la version Tennessee Christmas d'Amy Grant. Alors, c'est ce qu'on va aller écouter dès maintenant. Oh, maybe California. tiny little boots covered in snow. Apple cider warming on the stove. Tinsel twinkling everywhere. Holly hanging on the stairs. It must be Christmas Eve. Angel sitting high upon a tree, watching over presents patiently. Milk and cookies on a plate. Santa Claus is on his way. The kids should be fast asleep, but sleigh bells are ringing in their heads, twisting like little tops in their beds. Trying to sleep, but it's no use, with hoofs tap tapping on the roof. Peeking out the window to see what they can see. It's a candy cane Christmas, sweet as it can. Kids will wake up awfully early, 'cause they can't wait to see if Santa made it, so they can say, look what he brought me. Sleigh bells are ringing in their heads, twisting like little tops in their beds. Trying to sleep, but it's no use, with hoofs tap tapping on the roof. Peeking out the window to see what they can see. It's a candy cane Christmas, sweet as it can be. It's a candy cane Christmas, sweet as it can be. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, but do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glowed. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glowed. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, une pièce qui est quand même assez connue, hein, on s'entend, dans le monde du temps de Noël, mais elle a été interprétée par George Strait. Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement George Strait, eh bien c'est un chanteur américain de musique country qui est souvent connu sous le nom du King du country, pour son style surtout honky-tonk, donc on l'a pu aussi l'entendre dans cette version-là du Reine au nez rouge en anglais. Il est né en 1952 au Texas. Et il a grandi à Purcell, où son père, Byron Strait, était professeur de mathématiques, et il a passé son enfance dans un ranch où sa famille travaillait pendant les week-ends, pendant les vacances. Et à l'âge de 9 ans, son père et sa mère ont divorcé. Sa mère a déménagé avec sa sœur et son frère a été élevé par son père, mais lui a commencé à s'intéresser à la musique quand il était vraiment plus au lycée, au collège, et il a joué dans un groupe rock, donc c'est pour ça aussi qu'on l'entend souvent dans le style honky-tonk, ce qui est quand même très très plaisant. Moi j'aime beaucoup cette version de Rudolph the Red-Nosed Reindeer, parce que justement on retrouve cet aspect côté-là funky du style musical de George Strait. Avant ça, on a entendu Candy Cane Christmas de Darius Rucker, et on a commencé tout ça avec une pièce que j'ai découvert il y a quelques temps, Tennessee Christmas par Amy Grant. Amy Grant, c'est une auteure, compositrice, interprète américaine, elle aussi. On va entendre beaucoup d'artistes américains cet après-midi, mais elle était surtout connue pour être une chanteuse de gospel dans son plus jeune temps, et par la suite, elle s'est quasiment convertie au monde de la musique country, ce que je pense qui n'a pas été une mauvaise décision. C'est quand même excellent dans nos oreilles. Une pièce qui a joué dans quelques films de Noël. Si vous êtes des amateurs de films de Noël, en passant, c'est pas mal le temps là, pour commencer à écouter les fameux films qui passent à la télévision. Il y en a beaucoup qui passent à... je pense que c'est Musimax et Cinépop ces temps-ci. Je pense qu'il y en a un par soir. Vous devez absolument trouver votre compte dans tous les films de Noël qui passent ces derniers temps. Et on a aussi, évidemment, les fameux films Hallmark que moi, j'apprécie tant. Je pense qu'on peut tous les trouver sur Internet. Donc, vous allez définitivement trouver quelque chose que vous allez apprécier. si vous êtes un habitué de la station C'est fou, eh bien, vous savez que le matin, en temps normal, il y a l'émission Assemblage requis. Ce matin et hier matin, malheureusement, Mathieu Plante et moi n'étions pas en onde, mais j'avais quand même préparé quelque chose. Mathieu étant malade, on a dû annuler les deux émissions des deux derniers jours, mais on devrait revenir en force demain. Mais tout ça pour vous dire que je vous avais préparé une espèce de petite chronique par rapport aux sports d'hiver que l'on peut pratiquer. J'ai tout simplement décidé de vous la présenter aujourd'hui pour justement, vu que c'est en thème avec l'hiver, il neige, il fait beau, en fait, il y a de la neige partout et c'est vraiment des gros flocons présentement qui tombent. Donc, on va se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes, des vacances des fêtes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, j'ai décidé de vous parler du patinage sur glace, un des sports d'hiver que j'adore pratiquer. En fait, c'est quasiment un des seuls sports d'hiver que je pratique parce que je skie pas, mais j'aimerais beaucoup apprendre. Alors, c'est lancé. Si quelqu'un veut m'apprendre à skier, j'apprécierais beaucoup. Mais je veux surtout vous parler, en fait, des bienfaits du patinage sur glace parce qu'on a quelques définitions, on a des avantages et on pourrait aussi peut-être avoir des inconvénients à faire du patinage sur glace. Alors, quels sont les effets bénéfiques du patinage pour, par exemple, l'organisme ou la santé? Eh bien, ça va pouvoir, entre autres, nous donner... des idées à savoir est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que c'est un sport qui est accessible à tous. Je pense que la plupart des gens, on le sait, c'est le patinage sur glace, c'est un sport qui est quand même assez intense et ça présente de nombreux atouts. Entre autres, ça forge la personnalité et la confiance en soi, apparemment. Ça renforce aussi les muscles des membres inférieurs. Donc, tout ce qu'on a par rapport aux jambes, les mollets, les cuisses, ça, c'est sûr. Hein? Si vous allez passer quelques heures à patiner dehors, que ce soit sur l'étang près de chez vous ou encore dans une randonnée en patinage à glace, là, comme il y en a plusieurs qui vont prendre place dans les prochains mois, eh bien, c'est sûr que si vous passez quelques heures dehors à patiner, vous allez probablement revenir puis être raqué du bas des jambes. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, ça travaille aussi le cardiovasculaire, la respiration. On parle aussi de développer le goût pour l'effort, la résistance et surtout les réflexes. Quelqu'un qui va apprendre à patiner va avoir beaucoup moins de réflexes que quelqu'un, par exemple, que ça fait une dizaine d'années qui fait du patin sur glace. Donc, de ce côté-là, pour l'effort, surtout parce qu'on doit tout le temps constamment être en train de faire des efforts physiques en faisant du patin à glace, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on a vraiment des inconvénients ou des méfaits à faire la pratique du patinage sur glace? Bien, c'est sûr que il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. En fait, ils sont classés parmi les contre-indications qui sont comme absolues. Vous savez, chacun des sports va avoir certaines contre-indications. Eh bien, on parle des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires ou encore des troubles respiratoires, des affections neurologiques avec, par exemple, un handicap moteur. On parle aussi de faire attention aux femmes qui sont enceintes à partir du 4e mois. C'est peut-être pas recommandé de justement aller faire du patin à glace de façon intensive. Donc, il va plutôt mollo dans ce temps-là. On peut aussi même demander à monsieur de nous pousser sur une chaise ou encore tout simplement de nous pousser, hein, de nous tenir et de nous pousser. C'est lui de toute façon qui va forcer, donc c'est parfait. Et si vous avez un doute, eh bien, il est important en fait de juste interroger votre médecin, de lui poser des questions. Et le patinage sur glace, comme tout sport, bien, ça va exposer à certaines pathologies et à certaines blessures aussi. On parle surtout du froid. Faire attention aux engelures, c'est comme n'importe quel sport d'hiver, on va vous demander de bien vous habiller pour aller faire une coupe d'air dehors sur la glace. Donc de ce côté-là, on fait attention à nos mains, on fait attention à nos bouts d'orteils. On parle aussi d'entorses, surtout aux chevilles et aux genoux et les fractures, parce que si on tombe sur la glace, parfois ça peut nous casser quelque chose. Mais c'est quoi le patinage sur glace? Ça a-tu une historique qui est bien précise par rapport à tout ça? Bien, initialement, c'était utilisé comme un moyen de locomotion puis un moyen de chasse. Donc, le patin à glace, de nos jours, c'est un sport de loisir quand même qui consiste, on s'entend, à glisser sur des étangs d'eau gelée, comme je le disais, et plus souvent des patinoires, que ce soit intérieures ou extérieures. Mais dans les premières versions, le patin à glace, c'était fait de peau de bête et d'un radius de bœuf ou de cheval en guise de lame. Donc, aujourd'hui, il s'agit bien évidemment d'une chaussure et d'une lame en acier, mais on peut pratiquer le patin à glace pas mal n'importe quand, mais avant ça, c'était vraiment fait pour la chasse, pour pouvoir se déplacer par rapport à faire de la chasse, aller chasser, manger, puis tout ça. Donc, de ce côté-là, on a eu une petite évolution du côté du patin à glace. Si vous êtes du genre à vous demander où vous pouvez aller faire du patin à glace, tu sais, moi, c'est comme du moment qu'il commence à neiger, je me demande si la glace est déjà pognée pour que je puisse aller faire du patin à glace. Parfois, malheureusement, on va être très, très dépendant de la météo. Donc, si c'est les premiers jours où il commence à faire froid, bien évidemment, les étangs ne seront pas gelés. Mais vous devriez commencer à voir ça à partir de janvier jusqu'à mars par rapport à la Mauricie, parce que ça fait pas super longtemps qu'on a des temps extrêmement froids où la glace peut justement geler comme il se doit avant d'aller patiner dessus. Donc, si vous vous promenez un petit peu sur Internet, bien, vous allez voir, c'est dans ces alentours-là qu'on va vous donner les dates pour les ouvertures de patinoires à l'extérieur. Et si vous voulez tout simplement aller patiner aussi à l'intérieur, c'est possible. Il faut juste faire quelques petites recherches pour savoir quel jour et quelle heure c'est disponible pour nous d'aller utiliser une patinoire intérieure, que ce soit par exemple au complexe Alphonse-Desjardins ou encore au Colisée de Trois-Rivières. C'est sûr que vous allez trouver votre compte à tout ça. Il y a bien évidemment des domaines et des étangs qui sont super beaux en Mauricie. Entre autres, on parle du domaine de la forêt perdue à Notre-Dame du Mont-Carmel. C'est un incontournable en Mauricie. Tout à l'heure, je vous parlais de petits sentiers quasiment sous forme de labyrinthe. Bien, pour ceux qui aiment ça, l'endurance, justement, en patin à glace, on parle d'un 10 km de sentier glacé à parcourir à travers une pinède. C'est des heures de plaisir qui vont vous être garanties. On va vous promener à travers tous les boucles et les méandres un petit peu de ce côté-là, au niveau de Notre-Dame du Mont-Carmel. On a aussi le parc de l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières, un petit peu plus près de chez nous. Alors, le parc qui est un complexe de sports d'hiver par excellence. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'allais faire de la trip là-bas avec l'école primaire. Alors, il y a plusieurs activités qui sont pour toute la famille, dont, entre autres, un sentier glacé d'environ 2 km. On parle aussi d'un rond de glace avec foyer et une patinoire pour jouer au hockey. Donc, vous allez avoir une patinoire pour faire du patinage libre et une autre pour les amateurs de hockey, les jeunes hommes aussi, si vous aimez jouer au hockey. Vous allez pouvoir aller faire ça sur le rond de glace qui est spécialement fait pour les amateurs de hockey. Et sur place, vous allez pouvoir faire de la marche nordique, de l'observation d'oiseaux et tout ça. Mais si vous préférez le patinage, il y a plusieurs personnes qui vont au parc de l'île Saint-Quentin et il n'y a que des bons commentaires par rapport à ça. On parle aussi de la patinoire de l'auberge Le Baluchon à Saint-Paulin. On parle d'une patinoire qui est magnifique sur la petite rivière du Loup. Donc, sous forme de trottoir de glace, on parle d'un 5 km. Ça serait la troisième plus longue au Québec et elle serait parmi les 10 plus belles patinoires du Québec. Donc, ça, c'est du côté de Saint-Paulin à l'auberge Le Baluchon. Il y en a plein d'autres. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller faire un tour sur Internet pour trouver votre comble à tout ça. Tout simplement savoir où vous voulez aller patiner, y passer des heures et bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, faire fonctionner votre bas de corps. Tu sais, ça peut remplacer un entraînement habituel, aller faire un petit 2-3 heures de patin à glace. Moi, du moins, c'est ce que j'adore faire durant l'hiver. Mais là, on va aller écouter de la musique parce que ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas entendu. On va aller écouter Hard Candy Christmas de Dolly Parton. Bye. log is burning, yellow and red. Small eyes are fighting that old sleepy head. Stockings are filled while stories of goodwill are told at the edge of the bed. It's an old time Christmas. Family and friends round the tree. It's an old time Christmas, like the ones in my memory. Now the gifts are all open, the kids in the yard. Granddad nods off in a chair, and the smells from the kitchen are too fine to mention. And there's peace on earth everywhere. It's an old time Christmas. Family and friends round the tree. It's an old time Christmas, like the ones in my memory. Church bells Christmas, Randy Travis. Pour ceux qui connaissent Randy Travis, eh bien, il est connu, entre autres, pour avoir fait du renouveau du côté de la musique country à la fin des années 1980. Donc, il est connu sous le nom du nouveau traditionaliste. Il a été fidèle quand même à des George Jones, Lefty Frizzell et Merle Haggard. Il a une voix quand même assez très, très, très, très, très molle, je dirais, quand même assez ténébreuse. C'est très expressif, mais quand même velouté. Et c'est pour ça que Randy est au service de textes qui traitent de sujets contemporains. Par contre, en 2013, le chanteur country Randy Travis s'est retrouvé dans un état assez grave à l'hôpital. La vedette de la musique country Randy Travis se trouvait dans un état critique dans un hôpital du Texas au lendemain de son hospitalisation pour une cardiomyopathie virale. Donc, c'est par rapport à un communiqué qui avait sorti dans ces années-là. Monsieur Travis a été admis dans un hôpital de Dallas et il était dans un état très, très critique. La maladie s'inscrit dans la foulée d'une série d'écueils dans le parcours du chanteur qui était âgé de 54 ans. Et après une récente série de prestations, y compris certains concerts nocturnes lors de festivals de l'Association de musique country, eh bien, M. Travis a eu plusieurs complications côté santé, mais ça semble aller mieux de son côté présentement. Donc, on espère quand même le mieux. Mais c'était une pièce que j'aime beaucoup de lui. C'était Old Time Christmas. Et avant ça, on a entendu Hard Candy Christmas de Dolly Parton. Si on parle de Noël, si on parle de neige à l'extérieur, si on parle de musique country, du temps des fêtes, automatiquement, moi, je pense à Dolly Parton. C'est un incontournable. C'est ma préférée. Disons ça comme ça. Au retour, on continue avec un petit peu de Vince et The Valiants. Tout ça au retour. Vous êtes dans la zone 89. c'est fou. L'artiste irlandaise Lisa Hannigan avec la pièce Snow. Lisa Hannigan, elle fait en temps normal beaucoup plus du côté folk et du côté rock indie, mais je trouvais que cette chanson-là se portait bien quand même au temps des fêtes, surtout avec les paroles qui parlent de neige qui tombe sur un village et le village se change petit à petit grâce à ça. Je trouvais quand même que ça se prêtait bien à ça et qu'il y avait quand même un petit côté aussi country dans le folk qu'elle abordait, mais en 2013 et en 2014, elle a participé au doublage d'un long métrage animé irlandais, Le Chant de la mer, et c'est comme ça qu'elle a réussi à faire parler beaucoup, beaucoup d'elle. Elle a entre autres incarné le rôle de Brownag, la mère Saoirse dans le film, qui est un film, comme je disais, long métrage animé. Donc de ce côté-là, c'est comme ça qu'on a commencé à faire parler d'elle. Je m'amuse beaucoup à découvrir sa musique. J'espère entendre encore plus de folk comme ça, qui tombe un petit peu du côté country. Mais présentement, à l'heure qu'il est, en cette journée du 14 décembre, il neige beaucoup à l'extérieur et je trouvais que c'était parfait. On va aller écouter Vince Vance et The Valiants. Et au retour, eh bien, je vais vous présenter une autre activité que vous pouvez faire durant le temps des fêtes. « et ça irait beaucoup mieux si la chanson qui partait était la bonne. Donc, on va aller écouter Vin Vance et The Valiants avec la pièce All I Want for Christmas Is You. For Christmas is You de Vince Vance and the Valiants. Qui sont-ils? Eh bien, c'est un groupe country pop rock de la Nouvelle-Orléans et justement, j'adore ça parce qu'on retrouve beaucoup cette espèce de côté jazzy là, de la Nouvelle-Orléans dans la pièce. Et la pièce que vous venez d'entendre, All I Want for Christmas is You, est vraiment la pièce qui les a fait connaître un petit peu partout de façon mondiale. C'est sûr que quand on s'attaque à des classiques de Noël, automatiquement, on va entendre parler de nous. Mais vraiment, c'est ça qui a fait en sorte qu'ils se sont retrouvés sur le Hot Country Songs Billboard. Attention, pas une, pas deux, mais bien 6 fois de suite. C'est grâce à cette chanson-là. Et en 2010, eh bien, Vince Vance se sont fait surprendre lors d'une performance lorsqu'il jouait du côté de la Louisiana Legends à la Nouvelle-Orléans. Et c'était pour une œuvre de charité. Et lorsqu'ils se sont fait surprendre, eh bien, c'était justement pour leur introduction au Music Hall of Fame de la Louisiane. Alors, justement, pour leur carrière qui était assez surprenante. surprenante, mais pas surprenante, mais vraiment une très belle carrière, mais aussi surtout pour cette fameuse chanson-là qui les a fait connaître de façon mondiale et qui revient en fait de façon assez récurrente sur les chartes du monde de la musique de Noël. On adore ça, on adore ça. On peut pas demander mieux quand on fait jouer de la musique de Noël à ce temps-ci de l'année. Moi, je pense que c'est la meilleure recette. Tout à l'heure, je voulais vous parler d'une autre activité que vous pouvez faire durant dans le temps de Noël. Eh bien là, ça... C'est déjà commencé, en fait, vous pouvez y aller dès maintenant. Ça se passe du côté du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. C'est du 9 décembre au 8 janvier pour la première partie. Eh bien, je parle de Noël en lumière. Il y en a beaucoup qui connaissent ça. Donc, c'est le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, oui, pardon, qui vous invite à son grand festival hivernal. Il y en a plusieurs qui le connaissent. Il y en a plusieurs qui, année après année, y retournent justement pour voir les nouvelles œuvres d'art de façon en lumière. C'est de la mi-décembre au début janvier et ça dit « Laissez Noël en lumière vous charmer par un décor qui est unique et où règne l'esprit du temps des fêtes ». Donc, en fait, on profite de promenades dans les jardins illuminés en bordure du fleuve. Aussi, vous allez avoir des artisans du marché de Noël parce que ça, c'est la deuxième partie de l'activité. Vous avez un marché de Noël où vous pouvez aller faire quelques petites emplettes, tu sais, là, des petits cadeaux dernière minute auxquels on n'avait pas trop penser, soit pour un échange ou soit pour une matante ou, tu sais, des fois, là, ça nous arrive, on veut juste une petite confiture qui sera pas nécessairement celle aux trois fruits. Alors, on va chercher ça du côté du marché de Noël au sanctuaire et on va découvrir, en fait, une ambiance qui est extrêmement chaleureuse. Vous allez aussi avoir la chapelle historique qui va être justement un petit peu déguisée pour le temps des fêtes. Vous allez avoir aussi la grande exposition de modèles réduits de crèches. Donc, on vous amène à jouer un petit peu dans les structures gonflables intérieures pour la fête de la famille, si jamais vous y allez en famille. Et sans oublier, évidemment, les célébrations qui sont religieuses, qui sont tenues dans la basilique, ou encore, il va y avoir beaucoup d'orgues, vu que c'est le temps des fêtes et il y a pas plus beau temps que de jouer de l'orgue dans le temps des fêtes non plus. Donc, à chaque année, c'est quelques dizaines de milliers de personnes qui vont aller faire un tour au sanctuaire pour justement voir ces fameux jardins en lumière-là. C'est de toute beauté. Et comme je le disais, vous pouvez aller aussi profiter du marché de Noël. Vous allez avoir une espèce de balade hivernale. Vous allez suivre le site enchanteur du marché de Noël. Vous allez pouvoir vous inspirer des producteurs, des artisans, jaser avec eux. C'est une vingtaine d'exposants, en fait, qui vont être là. Ça se passe encore une fois du 9 au 11 décembre, donc la première partie est terminée. La deuxième partie va commencer du 16 au 18 décembre. Et attention, il y a quelques petits, des petits détails qui sont quand même importants. C'est les vendredis de 16h à 21h et les samedis et dimanches de 11h à 21h. Donc, c'est simplement les fins de semaine. Donc, le seul temps qui vous reste, en fait, c'est du 16 au 18 si jamais vous voulez aller y faire un tour tout juste avant Noël. Tu sais, je le disais, là, les petits cadeaux qui manquent, là, c'est parfait. Vous allez retrouver, entre autres, des produits érables. Donc, des produits d'érable, des produits de fruits, de petits fruits. Vous allez retrouver aussi des confits, par exemple, des confits d'oignons, puis tout ça. Vous allez pouvoir aussi faire la découverte de certains vins qui vont être très différents avec les boissons du roi qui vont être là. Et vous allez avoir des produits d'artisanat, comme par exemple des bijoux, des foulards, des mitaines, du cuir aussi. Donc, je vous le disais, c'est le temps de l'année où vous pouvez aller faire un petit tour partout et que ça va être enchanteur. Moi, je vous le dis, on rentre dans le dernier bloc musical avec la première pièce qui va être « I only want you for Christmas ». Attention de Monsieur Alan Jackson. The snow is falling, it's Christmas Eve. Presents are wrapped under the tree. Is there one for me? I only want you for Christmas, baby. Don't need nothing else. I only want you for Christmas, baby. Tie a ribbon around yourself. Oh, tie a ribbon around yourself. I ain't gonna write no letters, send nor to the pole. That's what I'm wanting this year. Saint Nick don't need to know. Christmas, babe, I don't need nothing else. I only want you for Christmas, babe. Tie a ribbon around yourself. Frosty. So put on your Christmas stockings, I'll find that mistletoe. Let's get into the holiday spirit. Honey, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. I only want you for Christmas, babe. I don't need nothing else. I only want you for Christmas, babe. Tie a ribbon around yourself. I only want you for Christmas, babe. I don't need nothing else. I only want you for Christmas, baby. Tie a ribbon around yourself. Oh, tie a ribbon around yourself. Thank you. days be merry and bright. And may all your Christmases be white. And may all your Christmases be Michael W. Smith, White Christmas. C'était juste avant ça, on a entendu Alan Jackson avec I Only Want You for Christmas, ce qui est quand même très différent de All I Want for Christmas is You. Deux pièces complètement différentes, mais qu'on adore écouter dans le temps des fêtes. Pour nous, c'est déjà la fin de l'émission. Eh bien oui, parce qu'on va se laisser, et bien évidemment, avec une petite chanson tout à l'heure, vous allez entendre ça. Mais je voulais vous dire merci beaucoup d'avoir été là des nôtres encore cette semaine pour le spécial du temps des fêtes, émission musicale de 60 minutes où on écoute justement de la musique du temps des fêtes et on va se retrouver, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, donc à la même date, même heure, et vous allez pouvoir voir aussi dans le temps des fêtes, l'émission va rejouer, donc si vous êtes en manque de musique de Noël, de la musique country dans le temps de Noël, ce qui joue pas nécessairement tout le temps aux autres stations de radio, eh bien c'est ici à CIFOU 89.1 FM que vous allez pouvoir l'écouter. Ne vous inquiétez pas, je vais vous transmettre toutes les informations par rapport à quand vont jouer les rediffusions pour le temps des fêtes, pas plus loin que la semaine prochaine, en fait. Alors, comme je vous le disais, on va se laisser, bien évidemment, avec un petit peu de musique. On va aller écouter Ronnie Millsap avec It's Christmas. Bonne fête de journée, tout le monde, à la semaine prochaine. The snow is on the ground, the family's all in town. It's Christmas, it's Christmas. The children want to know why we hung the mistletoe. It's Christmas. Then silently the night turns on a magic light, and it's Christmas all over the world. And I hope that Santa Claus remembers every child, because it's Christmas. The lights upon the tree twinkle like a melody. It's Christmas. It's Christmas. There's a choir out in the night singing songs by candlelight. It's Christmas. With every face aglow, the young. Christmas. Merry Christmas, everybody.